le dos couvert d'écailles. On sent la paille dans la faille, et quand on ouvre la porte, une armée de cloportes vous repousse en criant, ici pas de serpent. Animal, on est mal. Animal, on est mal. Animal, on est mal. On a deux cornes placées sur le devant du nez. On s'abaisse, on s'affaisse. On a la queue qui frise, on a la peau épaisse, on a la peau grise. Et quand on veut sortir avec une demoiselle, on l'invite à dîner, quand elle vous voit, que dit-elle? Il ne vous manque qu'une bosse, va des rétro-rhinocéros. Animal, on est mal. De la girafe, la voilà qui se retrouve le cou plein d'agrafes. Elle appelle au secours, on veut lui mettre un pantalon mais il est trop court. Animal, on est mal, on pond ses œufs dans le sable, et quand on passe à table, les chevaux vapeurs ont pris peur de se retrouver loin de leur étable. Continue encore et encore, c'est que le début. D'accord, d'accord. c'est comme ça, Francis Cabrel. On entame du coup, là, on se disait avec... Enfin, Benny me disait dans l'oreillette, on entame la cinquième heure de direct quand même. Je veux dire, quelque part, même si ça s'arrêtait maintenant, ce serait déjà une belle performance. Mais ça ne va pas s'arrêter puisque tout est prévu et tout roule. Et là, maintenant, je vais laisser la parole à Kevin et Pierre-Alexandre. Et qui viennent nous parler de L214, du véganisme. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, à part te laisser la parole, Kevin, si tu veux commencer. Et ouais, alors du coup, on accueille Pierre-Alexandre donc de l'association L214. Ouais, alors, bonjour. L214, est-ce que tu peux nous en dire déjà quelques mots? C'est quoi? Ça existe depuis combien de temps? Voilà, un petit peu de façon générale. Ouais, alors c'est une asso qui est tournée vers les animaux utilisés dans notre consommation de produits alimentaires, qui a 10 ans, qui va avoir 10 ans dans quelques semaines. On est une asso antispéciste et abolitionniste, c'est-à-dire qu'on va nous considérer que les animaux non humains sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils sont doués de sensibilité, d'émotions, capables d'intelligence. Et du coup, on demande simplement la fin de l'exploitation de ces mêmes animaux. Ok, alors quand tu dis ils sont comme nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont les mêmes droits? Ça veut dire... Alors les mêmes droits, non, pas du tout, puisque là, ils sont clairement destinés à notre consommation alimentaire. Ça passe par des conditions d'élevage particulièrement difficiles, ils sont mis à mort, etc., de manière complètement injuste. Donc, clairement, les droits sont pas égaux entre les animaux humains et les animaux non humains. Voilà, tu peux répéter, et du coup, ouais. Là, l'objectif, ce serait de faire en sorte qu'il y ait les mêmes droits, ce serait de faire en sorte... C'est quoi un petit peu l'objectif justement de l'association par rapport à cette question justement d'antispécisme ? Mais c'est que les animaux soient reconnus comme des êtres sensibles et du coup traités comme tels dans notre quotidien. Mm-hmm. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que ça s'appelle L214, c'est pas un article de loi qui a un rapport avec ça Oui, c'est ça, c'est un article du Code rural qui date de 1976 et c'est avec lui que la première fois en France les animaux sont considérés voilà, comme des êtres sensibles. Mais bon, le fait est que dans la pratique, le cas n'est pas du tout ça, quoi. Moi, j'ai une question pour toi, Pierre-Alexandre. Pourquoi, toi, personnellement, là, juste j'essaie d'écarter le truc, pourquoi, personnellement, t'es investi dans pas que seulement dans l'association, mais pourquoi ce sujet-là te touche, ouais. Mais c'est comme plein d'autres sujets. Il n'y a pas que ce sujet qui me touche. Après, le fait est que c'est une question de justice. Moi, depuis tout petit, je suis sensible à la sensibilité des animaux. J'ai grandi avec des animaux dans mon entourage, etc. Donc peut-être que ça m'a aidé aussi à voir qu'ils avaient des émotions, ils étaient capables aussi peut-être du coup d'intelligence, etc. Et puis bah, c'est ce sentiment d'injustice qui, en fait, au fur et à mesure des années qui passaient, j'ai ressenti le besoin, moi, de m'investir et puis effectivement d'aller au-delà. Alors effectivement, c'est passé par mon régime alimentaire, on mange au moins 3 fois par jour, etc. Donc c'est un moyen hyper concret, en fait, d'être en accord avec mes convictions. Et puis après, au-delà de ça, il y a eu l'envie de militer, d'aller plus loin avec ma vie personnelle pour sensibiliser le public à la sensibilité des animaux et puis au sort qui leur est réservé. Hein. Et du coup, alors, pour revenir à L214, ça existe depuis combien de temps ? Ça va avoir 10 ans comme asso. Ça va avoir 10 ans, et il y a combien de membres à l'heure actuelle ? On est à peu près 32 000 adhérents. Okay. 32 000 adhérents, il y a une cinquantaine d'antennes locales réparties dans tout le pays. Puis on a à peu près 2000 bénévoles aussi qui, au moins une fois par mois, dans toute la France, vont aller tenir des actions de sensibilisation. Ok. Du coup, c'est quel type d'actions, par exemple, qui sont tenues ? Ouais, tu vas avoir des actions, des actions de différents types. Il va y avoir des actions écran, par exemple, où à la sortie d'une enquête, on va aller avec des tablettes, des ordinateurs, montrer au public les images qu'on a pu capturer. Il va y avoir aussi des tables de dégustation, parce que l'idée, c'est de proposer aussi des alternatives, montrer qu'on peut faire autrement. Mais du coup, on va proposer des recettes, etc. Il va y avoir aussi d'autres actions qu'on peut faire de chez soi, les actions express par exemple, envoyer des milliers de mails en même temps à une entreprise par exemple pour lui demander d'arrêter les cages pour les poules pondeuses, etc. Voilà, ça peut être ce type d'action-là. Okay. Et L214 s'est fait connaître principalement au début grâce aux vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces actions-là, sur l'impact que ça a pu avoir, sur comment ça a été mené, voilà. Ouais, bah alors au début, en fait, c'est des membres de l'association qui s'infiltraient dans les élevages, les abattoirs, pour capturer des images et puis montrer la réalité, en fait, de ce qui se passait dans cette production. Et puis après, on a eu des salariés aussi d'abattoirs ou d'élevages qui d'eux-mêmes ont décidé de démissionner et puis de montrer, en fait, le quotidien de leur travail. Ouais, donc il y a différentes manières, en fait, d'obtenir des images. Okay. Après, ça reste aujourd'hui le meilleur moyen de montrer effectivement la réalité qui est vécue par les animaux. Donc un peu des lanceurs d'alerte aussi, on peut dire, en interne, dans certains abattoirs. Bah, complètement. Enfin, je pense que L214 a largement participé au fait qu'aujourd'hui, dans notre société, la question animale devienne un enjeu majeur. Ouais. Et puis rentre dans le débat public aussi. Ok. Donc du coup, là, par exemple, il y a une dernière vidéo qui tourne, je crois, sur les piscicultures. Ouais. Donc c'est un peu toujours la même méthode, c'est soit de l'infiltration, soit des personnes extérieures. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a une forme de lassitude peut-être par rapport à ce mode d'action ? Est-ce que, parce qu'on sait que ça a beaucoup choqué au début, à juste titre, est-ce que maintenant, voilà, le public s'habitue ou pas ? Enfin, quel est un peu ton ressenti par rapport à ça ? Alors, le public s'habitue peut-être à voir des enquêtes sortir. Après, il y a de plus en plus de personnes qui vont changer leur régime alimentaire encore aujourd'hui. Donc, c'est que les vidéos, je pense, participent encore aujourd'hui. Cette manière-là de faire participe encore, en fait, à la prise de conscience pour certaines personnes. Donc, ils sont toujours très utile, en fait. Ok, ouais, donc du coup, toi, ça fait combien de temps, toi, que tu es investi chez L214 ? Ça va faire 4 ans. 4 ans. Et en 4 ans, est-ce que tu as noté une différence un peu dans les réactions du public, dans ton entourage, ce genre de choses? Alors pour le public, il y a 4 ans, quand on tenait des tables d'info, qu'on allait faire du tractage en centre-ville, c'est vrai qu'on était parfois marginalisés, le public n'était pas toujours très, très réceptif, très, très accueillant. Mais en fait, effectivement, là, depuis ces dernières années, on rencontre beaucoup plus de personnes qui nous encouragent, qui nous expliquent qu'elles-mêmes ont réduit leur consommation de viande, par exemple, ou sont devenues végétariennes, voire végétaliennes. Effectivement, avec nos actions au centre-ville, on peut être témoin quand même d'un changement dans l'opinion publique. Ouais. Ok. Et du coup, tu nous disais qu'il y a le 214, donc ils sont, la lutte est axée, on va dire, sur les animaux. Alors, je crois qu'on dit les animaux de rente. On peut dire les animaux de rente, ouais, ouais. On peut dire les animaux de consommation, les animaux d'élevage, les animaux tout court. Parce qu'au final, c'est une expression assez spéciste de qualifier une partie d'animaux, enfin une catégorie d'animaux comme étant des animaux, comme tu dis, de rente par exemple, d'élevage, consommation. Voilà, ça c'est complètement arbitraire en fait. Ça vient de notre perception à nous. Les animaux sont pas, la vache, le cochon n'est pas né pour être un animal de rente en fait. Alors, c'est quoi du coup l'objectif final, on va dire, de l'association? Mais c'est mettre un terme à l'exploitation des animaux. Okay. Hein, donc ça va passer par au moins deux chemins qui vont être, on pense, nous complémentaires en fait. D'un côté, on va s'attacher à obtenir des réformes qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui. Par exemple, faire interdire les cages pour les poules pondeuses, arrêter les mutilations en élevage comme la castration à vif des porcelets, etc. Ça va permettre de soulager une partie de la souffrance des animaux, une partie de la souffrance qui peut être évitée dès maintenant. Mais à côté, ça va passer par le fait d'accompagner la société vers un changement profond, en fait. Voilà, une transition, ça passe par le régime alimentaire, évidemment, donc végétaliser notre alimentation. Mais encore avant ça, vers cette prise de conscience qui est que les animaux ne sont pas faits pour servir l'homme et puis que nous, on n'en a pas besoin pour être en bonne santé. Ouais. Ok. Du coup, il y a un objectif très ambitieux, hein, puisque l'abolition de l'utilisation des animaux, on en est encore assez loin, semble-t-il. C'est quoi la priorité du coup des objectifs un peu intermédiaires? S'il y a des objectifs intermédiaires, tu parlais un peu de bien-être, etc. C'est quoi un petit peu le positionnement de l'association? Ça va être d'obtenir, de jouer sur ces deux chemins en même temps. Comme je t'ai expliqué, l'idée, ça va être d'obtenir des réformes, d'encourager aussi les entreprises à pas attendre des mesures politiques, mais peut-être d'elles-mêmes s'orienter vers des manières de se produire, par exemple, ou de produire plus éthique. On a obtenu par exemple l'engagement de 120 entreprises à arrêter les œufs de poule en cage, par exemple. Okay. C'est quoi par exemple les autres victoires qu'il y aurait eu importantes au cours des dernières années? On a obtenu une commission d'enquête parlementaire dans les abattoirs qui a quand même permis de faire connaître ce chiffre-là, qui est qu'en fait 80% des chaînes d'abattage ne sont pas conformes à la législation. Donc là, ça montre clairement un dysfonctionnement du système et puis que le système en fait traite les animaux comme de simples marchandises. Après on a quand même permis, je pense, à beaucoup de personnes de prendre conscience de la réalité, du coup de ne plus consommer de produits animaux, ou en tout cas réduire. On a réussi à faire condamner aussi quelques cas de maltraitance. Par exemple, le salarié de l'abattoir du Vigan qu'on avait filmé en train de s'amuser à électrocuter des cochons ou jeter des moutons contre les barrières, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, plus effectivement une amende de 2 000 euros, etc. Donc c'est quand même une reconnaissance de la gravité en fait des actes qui sont perpétrés sur les animaux. Okay. On met une petite musique de transition. The Smiths, Meat is Murder. J'ai vraiment un bon accent, je trouve. Thank you. Retour en direct. Petite dédicace avant de reprendre la parole, enfin avant de relaisser la parole. Puis dédicace à Maël. Alors, voilà, on le sait, Maël, que tu n'es pas très doué en orthographe, mais là ça va un peu loin. Poulet, c'est pas P-O-U-L-A-I-S, c'est P-O-U-L-E-T. Voilà pour l'affichage, ça c'est fait. Béni, je crois que tu avais une question pour Pierre-Alexandre, non ? Ouais, tout à fait, j'avais plusieurs questions même, mais un des trucs que j'aurais bien voulu aborder, c'est il y a des espèces de choses, des phrases qui sont dites un peu tout le temps, j'ai l'impression, aux gens qui sont véganes, des lieux communs, notamment des trucs du genre est-ce que vous n'avez pas des carences ? Enfin, du coup, est-ce que vous... Enfin, je vais vous poser comme si justement j'étais de ce côté-là. Et qu'est-ce que c'est les réponses que t'apportes je veux dire, je comprends qu'on puisse être un peu énervé et que parfois je pense que vous devez avoir envie juste d'envoyer chier les gens. Mais j'imagine qu'il y a aussi une espèce de partie un peu de pédagogie qu'il faut avoir Et du coup, voilà, qu'est-ce que vous répondez par exemple à ces gens qui vous disent bah, tu manges pas de viande, tu vas avoir des carences, tu vas être malade? Ouais, bah, on leur répond simplement de manière très logique, c'est-à-dire qu'on a la science de notre côté. En fait, aujourd'hui, c'est plus à prouver qu'on peut avoir un régime complètement végétal et rester en bonne santé, en plus à tous les âges de la vie, qu'on soit sportif en plus ou non sportif, qu'on soit enfant, qu'on soit personne âgée, voilà, c'est, on va répondre en fait avec bah, des choses très simples, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme lieu commun, comme phrase que vous entendez régulièrement au-delà de ce truc de « vous allez être faible » ? Bah, t'as plein de choses, t'as le fait que les animaux sont faits pour être mangés, exploités par l'être humain, que ce ne sont que des animaux et que c'est peut-être pas pareil que des humains, voilà, comme si la souffrance était différente ou moins grave. On va aussi avoir ces choses comme effectivement on va voilà sur la musculature ou voilà ce genre de choses, que les animaux vont disparaître de la planète si on arrête de les élever. Que les prairies vont disparaître, etc. Voilà, que on va mettre des millions de personnes au chômage, voilà. C'est le genre de choses. Et justement, j'ai l'impression que depuis quelques années, là, comment dire, la cause végane commence à avoir un petit peu plus de lisibilité sur Internet. Mais du coup, l'espèce de contre-coup, c'est aussi qu'il y a plus de, on va dire, de médias qui peuvent être un peu, on va dire, le prendre de manière un peu moqueur. Un des exemples que j'ai assez concret, c'est il y a un jeu vidéo qui s'appelle Super Meat Boy, où en fait, tu joues un morceau de viande. C'est un jeu de plateforme qui est vraiment pas mal d'ailleurs sur Steam, mais tu peux avoir différents types de viande et en fait tu peux incarner aussi Super Soja Boy et en fait le personnage est très très faible, il saute pas haut du tout, c'est impossible de finir le jeu avec Super Soja Boy et il y a cette espèce de truc qui vient assez régulièrement, comme je disais, tu tapes vegan sur YouTube, tu tombes d'abord sur une dizaine de vidéos qui sont plutôt parodiques et du coup est-ce que vous avez des chaînes pour répondre à ça, enfin, comment vous réagissez à ces trucs-là? Moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés. Après, il y en a quand même de moins en moins. En tout cas, les personnes prennent de plus en plus conscience que, bah, effectivement, on peut être végétalien en bonne santé, etc. Que toi, là, tu peux être sportif aussi et être végétalien. Après, pour revenir sur les jeux, L214 a justement sorti un jeu à télécharger sur le téléphone portable où là, tu vas incarner un poulet qui va essayer de sortir de l'abattoir et puis au passage, délivrer des compagnons. Ouais, comment il s'appelle ce jeu si on Je l'ai pas téléchargé. Je vais regarder sur Internet pendant que tu parles. Ouais. Je ferai la pub. Ok, j'aurai d'autres questions après, mais je redonne la parole à Kevin. Et du coup, juste pour revenir quand même sur cette question un petit peu des carences, etc., est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faut être attentive? Par exemple, je pense un peu au truc un peu connu, genre la B12, voilà. Oui, bah, en fait, l'idée, c'est d'avoir un régime, on va dire, varié. Voilà, dès lors que tu manges, que tu manges de manière variée, équilibrée, il n'y a aucune raison d'être en mauvaise santé. Après, tu parles de la B12, en fait, c'est le seul supplément, effectivement, que nous, on va prendre, en fait. C'est une vitamine qui va nous permettre de protéger, notre système nerveux, sanguin. Pourquoi on prend cette supplémentation en B12? C'est simplement que même les mangeurs de viande en fait, sont carencés. Après, l'idée, c'est que les animaux qu'ils mangent sont en amont eux-mêmes supplémentés avec des granulés enrichis en B12. Nous, on va simplement faire l'économie en fait, de la vie animale au passage. On prend directement le cachet. Et ça, du coup, cette difficulté à avoir de la B12 dans les aliments, ça va être dû à l'appauvrissement des sols, etc. Et pour revenir un petit peu sur les méthodes d'action, alors L214 a eu pas mal de procès, peut-être qu'ils en ont encore en cours. C'est quoi un petit peu la question de la légalité par rapport en interne? Est-ce que voilà, tout doit être légal ou justement là on voit qu'il y a un petit peu des frontières qui sont un petit peu fines? C'est quoi un peu le positionnement par rapport à ça, par rapport aux méthodes, enfin aux objectifs qui sont ambitieux et comment on les atteint quoi? Bon, évidemment qu'on essaye d'être dans la légalité au maximum. Après, le fait est que aller capturer des images en élevage ou en abattoir, en fait, c'est pas autorisé. Mm-hmm. Et que du coup, si on veut véritablement voir ce qui se passe, en fait, là, ça passe par effectivement la capture clandestine d'images, etc. Okay. Ouais. Il y avait un projet d'ailleurs de vidéo dans les abattoirs. C'en est où ça? Pas abouti de manière très concrète encore, voilà, c'est pas encore mis en place. En tout cas, l'idée c'est effectivement que ce soit les abattoirs qui soient volontaires voilà, pour jouer le jeu et tester la chose, mais c'est pas effectivement généralisé ou imposé à l'ensemble des abattoirs. Il faudra que l'abattoir soit volontaire. Ok, et donc ça, on y croit que les abattoirs ils vont être volontaires ou... Pas trop, non. Pas trop. Non. Et pour, par rapport à la question des abattoirs, justement, il y a une autre association, L269, qui... 269. J'ai dit... L269. Pardon. Et du coup, voilà, qui sont dans des logiques assez d'action directe, on va dire, sur certains aspects. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est contre-productif? Je sais pas si c'est, on peut dire que c'est contre-productif. Je pense qu'il y a des personnes qui, en voyant leurs vidéos sur les réseaux sociaux ou dans les médias, réagissent et voilà, prennent conscience. Donc partant de ce principe-là, j'ai envie de dire que c'est productif. Après, oui, ça reste complémentaire avec l'action de L214 qui, elles, vont être plutôt la communication non violente, la sensibilisation du public. Oui, c'est des manières de faire qui vont être complémentaires. Ouais. Ok. Et du coup, justement, est-ce que je sais qu'on a vu qu'il y a eu des, ce qu'entre guillemets disent, des attaques sur, je sais pas, des boucheries ou des trucs de sabotage, etc., etc. Est-ce que du coup, L214, ils vont plutôt se désolidariser, pas faire de commentaires? Enfin, comment vous vous positionnez concrètement, même entre vous quand vous en discutez, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, on sait, L214 s'est désolidarisé en fait de ces, effectivement, de ces attaques sur les vitrines de boucher. Dans le sens où en fait nous on va considérer que l'idée c'est pas peut-être pas le plus pertinent de stigmatiser en fait une catégorie professionnelle. C'est-à-dire que le coupable c'est pas le boucher, c'est pas l'éleveur, en fait c'est une responsabilité qui est collective, en fait c'est notre société tout entière qui est responsable de ce qui se passe pour les animaux. Après j'ai envie de dire qu'on peut comprendre, c'est des actes désespérés en fait. Quand est-ce qu'ils se sont produits ces actes là c'était juste à la suite en fait du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation où toutes les petites mesures qui auraient été bénéfiques pour les animaux en fait ont été rejetées, c'est-à-dire interdiction des cages pour les poules pondeuses, les mutilations, etc. Tout a été rejeté d'un bloc en fait par les politiques. Du coup voilà, il y a eu ces actes qui à notre sens en fait sont des actes désespérés, de ras-le-bol en fait. Et c'est ça, mais c'est peut-être aussi comme tu disais un truc où les politiques ont rejeté les différentes, je sais pas si on peut dire les différentes motions, et peut-être que du coup c'est des gens effectivement qui se retrouvent pas dans un dialogue institutionnel dans lequel se situe un peu plus L214. D'accord, c'est tout ce dont je voulais parler. Et rapidement, j'ai retrouvé le nom du jeu mobile. Du coup, c'est Blood Food. Voilà. Food. Blood Food. Wow, comment je suis mauvais en anglais. BLOODFOOD. Voilà. Et alors, du coup, tu disais, donc, l'idée, c'est pas de stigmatiser les bouchers, etc. Et par exemple, qu'est-ce qu'on dit aux éleveurs? Donc, c'est le métier, en fait, hein, d'élever des animaux pour qu'ensuite les gens les mangent ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on leur dit quand on leur dit, en fait, votre gagne-pain, nous, on n'en veut plus, quoi. Enfin, on. Oui, alors déjà la production s'est industrialisée, hein. Enfin, les élevages à taille humaine ou paysanne, ça ne correspond plus à la réalité. Après, il y a aussi quelque chose de très, très réel, c'est que l'élevage aujourd'hui fonctionne grâce à des subventions. Il ne peut pas fonctionner tout seul en fait. C'est un système qui fonctionne grâce à effectivement des subventions, que ce soit nationales, européennes. Ce n'est pas un système qui est viable en fait par lui-même. Du coup, nous, on va plutôt penser la chose comme ça, c'est-à-dire que c'est à notre gouvernement de lancer des choses, d'accompagner en fait, les éleveurs qui sont en difficulté ou qui veulent se reconvertir, parce qu'il y en a en fait, de plus en plus qui décident d'arrêter pour faire autre chose, d'accompagner ces personnes en fait, vers une transition et puis des reconversions professionnelles. Ouais. Ok. Il y a des éleveurs qui contactent L214 parfois justement pour toutes ces questions-là ou... Des éleveurs qui vont effectivement nous contacter pour nous dire, ça nous arrivait quelquefois, nous dire qu'effectivement ils ne pouvaient plus continuer ce qu'ils faisaient, ils voulaient des solutions. Après ça va être plutôt des ouvriers dans les élevages qui vont nous contacter pour dénoncer l'horreur en fait, de ce qu'ils voient dans leur quotidien au travail. Je vous interromps quelques minutes, je vais mettre une petite musique de transition. Je mange pas de cadavre. Je mange pas de cadavre par Crazy Air. Pitié, Lisa, je croyais que tu m'aimais. Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? T'as pas cette côtelette d'agneau? Je peux pas manger ça, je peux pas manger un pauvre petit. Je mange pas de cadavre, moi. Je mange pas de cadavre, moi. Je mange pas de cadavre, moi. Je mange pas de cadavre, moi. Je mange pas de cadavre. Chérie, tu veux dire que tu mangeras plus jamais d'animaux de ta vie? Et du bacon? Non. Du jambon? Non. Des côtes de porc? Papa, tout ça, ça provient du même animal. Oui, c'est vrai, Lisa. Go vegan! Vegan and proud. Vegan and proud. Les enfants, vegan. Nous sommes de retour. Alors, on est de retour avec Pierre-Alexandre, et du coup, on a un peu parlé là de l'association en général, qui existe donc depuis 10 ans. L'antenne de Rouen existe depuis combien de temps ? Ça fait 2 ans. En fait, on avait commencé de manière informelle à distribuer des tracts, à tenir des tables d'infos, donc à relayer le travail d'L214 en centre-ville. On était une petite dizaine, et puis 2 ans après, en fait, L214 a structuré, ou s'est structuré, on va dire, au niveau national, a décidé en fait d'officialiser tous les groupes, un peu comme nous, etc. Du coup, maintenant, on est une cinquantaine d'antennes, effectivement, réparties sur tout le pays. Et puis voilà, et on est à peu près au niveau rouennais, 70-80 bénévoles maintenant. D'accord. Donc, c'est, ça augmente régulièrement ça... Oui, là, bon, par exemple, on a 25 personnes qu'on doit rencontrer pour effectivement valider avec elles leur ajout à notre groupe de bénévoles rouennais. Ok. Ouais, donc, il y a des demandes quasiment de manière quotidienne. Ouais. D'accord. Les demandes, elles sont plus en flux, on va dire, quotidien, ou alors c'est lié justement parfois à des enquêtes qui sortent. C'est lié aux enquêtes, ouais. Ouais. Et là, par exemple, depuis la sortie en milieu de semaine de l'enquête sur les poissons, on a eu une dizaine de demandes d'ajout à notre groupe de bénévoles. Ouais. Ok. Et alors, c'est quoi un petit peu l'actualité là, du groupe de l'antenne de Rouen ? On va tenir un marché de Noël pour la cause animale devant le palais de justice le 15 décembre. Un marché associatif, donc il y aura d'autres assos qui vont défendre aussi les animaux au quotidien. Donc ça peut être des animaux sauvages, d'élevage, mais aussi du coup animaux dits de consommation. Ouais, l'idée c'est de montrer que Les animaux sont tous sensibles, que ce soit le chat, le chien, que ce soit le petit renard, le petit moineau, ou alors le petit cochon, la petite vache, etc. Okay. Ouais, on va avoir aussi une autre date, le 22 décembre. Là, l'idée, ce sera de faire un compteur humain annuel. Là, ça consiste à quoi ? C'est de montrer en direct le nombre d'animaux qui sont abattus pour la consommation alimentaire en France. On va ajouter en fait 5000 animaux toutes les 10 secondes à notre compteur pour montrer l'ampleur en fait, du nombre de victimes. Okay. C'est combien de victimes tous les ans ? Par jour, c'est 3 millions d'animaux terrestres juste en France qui sont abattus pour la consommation alimentaire. C'est 40 millions dans les pêcheries. Et en fait, au niveau mondial, c'est plus de 1000 milliards d'animaux, que ce soit marins, aquatiques, qui sont abattus sur la planète pour notre consommation. D'accord. Pour continuer, quelqu'un qui voudrait justement arrêter de manger de la viande, etc. Enfin, pas devenir soit végétarien, soit peut-être vegan, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil D'y aller à son rythme, déjà, peut-être d'arrêter les produits dont on pense le plus facilement se passer. Par exemple, si on se dit la viande c'est possible, mais par contre le fromage, clairement pas, pourquoi pas commencer par arrêter la viande. Donc avoir un peu le courage de ses convictions, et puis après il y a plein de sites internet qui sont vachement bien faits pour accompagner au quotidien. Il y en a un qui est tenu par L214 qui s'appelle Vegan Pratique. Bon, donc là il va lister toutes les bonnes mesures qu'il y a à végétaliser son alimentation. Il va proposer aussi une quarantaine de recettes assez simples, hyper savoureuses aussi. Là, l'idée c'est d'accompagner les gens dans leur transition. On a un deuxième site aussi qui s'appelle le Veggie Challenge. Et là l'idée c'est que pendant 3 semaines on se fait accompagner pareil au quotidien par des mails donc qui vont nous donner des recettes, qui vont nous encourager, etc. Et là le but c'est le même en fait, c'est aider dans la transition végétal. Et en termes de recettes, du coup, il y a Antonin qui nous a rejoint. Est-ce que, Antonin, tu veux nous dire un petit peu ce que tu manges, comment tu manges, ou est-ce que tu achètes la nourriture si c'est pas... C'était pas tant la... On peut parler de bouffe plus concrètement, mais c'était... Enfin, du coup, j'avais une question sur le végétarisme. J'ai dit aux gens, d'y aller à leur rythme et tout, mais est-ce que la situation telle qu'elle est pas suffisamment, énorme pour que la transition par un végétarisme soit absolument nécessaire. Et est-ce que c'est pas entre autres de plus en plus un mythe que passer au végétalisme pour faire la distinction. Mais est-ce que c'est pas si difficile que ça finalement? Est-ce que c'est absolument nécessaire de passer par la transition végétarienne? Tu proposes du coup de passer directement vers le végétalisme en fait, c'est ça? Je pense pas que le végétarisme soit une position en tout cas très très cohérente en tout cas intellectuellement. Enfin dans les faits en tout cas, être végétarien ça sert pas que forcément. Vous pouvez repréciser qu'est-ce que c'est les deux termes dont vous discutez entre végétarisme, végétalisme, vegan, enfin. Végétarisme, donc tu ne manges pas de chair animale. Donc tu continues à manger des œufs, du lait, du miel, tu continues à avoir des cosmétiques ou des fringues qui ont été testées sur les animaux et qui contiennent des produits animaux. Végétalisme, tu ne manges pas tout ce qui vient des animaux. Et véganisme, pour le coup, tu élargis aussi d'autres pratiques de consommation. Comme le vêtement, les loisirs, etc. Voilà. Mais pour répondre à ta question, moi j'encourage les gens qui peuvent devenir directement végétaliens, devenir végétaliens, ouais. Enfin, ça c'est évident quoi. Après le fait est que dans la réalité, enfin, tu as des personnes pour qui ça va être plus compliqué, il faut quand même se déshabituer d'habitude qu'on a depuis qu'on est tout petit, c'est l'alimentation, on est nous-mêmes des animaux, c'est hyper important hein, la nourriture. Je pense que voilà, le moyen peut-être le plus pratique c'est ça, c'est que chacun y aille à son rythme. En restant évidemment par contre conscient du pourquoi il entame cette démarche et en restant conscient effectivement du pourquoi on entame cette démarche, on a quand même des motivations qui nous poussent à végétaliser au maximum et puis petit à petit quoi. Ouais. Ok. Donc du coup s'il y a des questions de bouffe pour en parler. Le problème c'est que y a des produits véganes qui sont de plus en plus accessibles maintenant en grande surface et dans les Donc la grande distribution a bien compris qu'il y avait une part de marché à prendre. Après, c'est vrai que c'est des produits qui restent globalement assez chers et pas forcément accessibles à tout le monde. Mais ce n'est pas des produits qui sont véritablement nécessaires, en fait. C'est aussi beaucoup de produits transformés et sur-emballés. Tu parles de produits alimentaires, non ? Oui, de produits alimentaires, okay. Oui. Alors, j'ai envie de dire, le secret, c'est de manger des légumineuses en majorité. Parce que c'est là qu'on va trouver un apport alimentaire qui est suffisant en fait pour pour pallier l'absence de produits carnés. Oui, si tu les allies avec des céréales. Donc c'est super important de faire ça, effectivement, d'allier légumineuses et céréales pour avoir une chaîne complète de protéines. Après, voilà, manger vegan en soi, effectivement, ça, comme tu disais, ça implique de se déshabituer de beaucoup de choses qui sont culturelles et traditionnelles. Notamment sur la question du fromage, où on a quand même un très gros problème avec ça en France, alors que c'est pas sain du tout pour nous, mais ni pour les animaux, ni pour surtout pour eux, surtout. Et donc ouais, manger des légumineuses, manger des céréales, voilà, trouvez-vous. C'est pas mal le chiné aussi dans les recettes, Moyen-Orient et indiennes aussi. Tout ce qui va être cuisine libanaise, syrienne, vers la cuisine indienne également. Et c'est pas non plus incompatible avec le fait de manger au maximum en trouvant des produits du coin, enfin trouver des légumineuses qui poussent pas trop loin de cultiver pas trop loin de chez toi. Enfin c'est pas incompatible non plus. Donc encore une fois, les sites sont assez nombreux là-dessus, mais c'est compliqué à déshabituer, mais c'est pas un challenge qui est non plus insurmontable, je pense. Voilà. Ouais, c'est même un challenge que se lancent de plus en plus de Français. Oui. C'est ça, quoi. Et je sais que il y a eu une espèce de truc. Je crois que c'est Guillaume Meurice à la radio qui avait fait une espèce de micro trottoir en se baladant un peu, en demandant aux gens. Qu'est-ce que vous pensez du véganisme et tout ça? Et il y a vraiment souvent cette espèce de truc qui revient de « Ah, c'est vraiment des extrémistes. » Enfin, comment vous analysez cette espèce de, je sais pas comment dire, si on peut dire peur, mais espèce de rejet un peu Bon, je pense que c'est un délire. C'est peut-être une peur aussi, voilà, de remettre en question ses propres habitudes, voilà, sa propre manière de consommer, la peur de prendre conscience aussi, peut-être qu'on participe à la maltraitance animale, etc. Voilà, c'est la nourriture hein, qui est en question, derrière évidemment les animaux. Peut-être que certains vont s'attacher à leur assiette et défendre un peu leur morceau de steak comme un chien peut défendre un os, par exemple, tu vois. Et sinon, pour continuer un petit peu sur les actions locales, est-ce qu'il y a eu des actions spécifiques, on va dire, rouennaises? On a lancé une initiative contre l'envoi de vaches de Normandie en Iran. Mm-hmm. Y a la région qui avait conclu un contrat avec un abattoir iranien. Et l'idée, c'était d'envoyer 20 000 vaches en avion, par avion en Iran tous les ans. Le projet, de toute façon, on s'est mobilisé, c'est-à-dire qu'on a organisé des manifestations, on a demandé de rencontrer Hervé Morin, président de la région, etc. À peu près 300 animaux sont quand même partis avec un premier convoi. Et puis en fait, c'est Donald Trump qui a bloqué le reste, en fait, avec une problématique d'embargo sur l'Iran et des menaces faites aux pays qui participeraient ou qui échangeraient avec l'Iran de manière commerciale. Du coup, pour l'instant, les vaches de Normandie ont été sauvées par Trump, quoi. Donc on peut dire que la politique de Trump n'a pas que des effets négatifs. On ne pensait pas dire ça à cette antenne. Non, voilà. Ça arrive. Et sinon, donc du coup, tu parlais de l'industrie, etc. Donc, que les élevages, etc. C'est industriel. Est-ce que le bio c'est mieux? Est-ce qu'il y a des bonnes façons de faire? Parce qu'on peut entendre souvent que oui, mais ce qui est problématique, c'est les abus, c'est pas le principe. Hein, voilà. Après, le bio, ça va pas t'enlever les mutilations qu'il y a dans les élevages. Ça va pas t'enlever non plus la mise à mort de l'animal. Enfin, l'abattoir. L'abattoir, en fait, reste une étape obligatoire pour les animaux élevés en bio, avec les problèmes de maltraitance aussi qu'on connaît dans les abattoirs. Enfin, la mise à mort en elle-même, en fait, est maltraitante. Le bio n'enlève pas tous les problèmes. C'est ça. Tu sais, on a sorti des enquêtes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'abattoir du Vigan. Mmh. C'était justement un abattoir qui suivait avec un cahier des charges soi-disant bio, etc. Enfin, ça change rien du tout dans la réalité pour les animaux. Tu vas voir l'alimentation des bêtes, effectivement, qui va être différente. Mmh. Peut-être avec moins d'OGM, etc. Mais tous les traitements qui leur sont réservés derrière restent les mêmes. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que l'abolition, par exemple, de l'élevage, etc., est-ce que c'est, ça veut dire que demain, c'est un monde sans animaux, enfin, sans animaux de compagnie, enfin, c'est quoi un peu le positionnement de l'association sur ces questions ? Sur laquelle question ? Sur la question, par exemple, est-ce que avoir des animaux de compagnie, c'est souhaitable ? Est-ce que c'est assez problématique ? Enfin... Bon, après, on connaît tous, je pense, les dérives hein, qu'il y a dans, voilà, dans le monde des animaux domestiques, les élevages intensifs dans les pays de l'Est ou même en France. Hein. Enfin, voilà, on a des élevages intensifs ici aussi. Pas toujours déclaré pour les animaux domestiques, il y a de l'abus aussi dans le traitement de ces animaux-là, en fait. Après, non, l'idée, c'est surtout de demander un nouveau statut juridique pour les animaux, avec des droits fondamentaux, peut-être. Le droit fondamental à ne pas être maltraité sans nécessité, à ne pas être tué. Et puis après, on peut imaginer aussi une société où les propriétaires d'animaux deviendraient plutôt, on va dire, des garants, des tuteurs, voilà. Mais avec, par exemple, un certificat de capacité. Voilà, ça enlèverait aussi peut-être beaucoup de problématiques en ce qui concerne les animaux domestiques. Maltraitance, abandon, etc. Quoi. Fait une petite pause musicale et puis après vous pourrez conclure. Goldfinger. Alors, on reprend avec Pierre-Alexandre, et j'avais une petite question, c'est en plus de, voilà, d'avoir un impact sur la souffrance animale, etc., est-ce que le véganisme, ça a d'autres impacts, comme l'écologie, ce genre de choses ? Bah, bien sûr, bah, là, c'est une question, enfin, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à connaître les impacts négatifs de l'élevage sur, évidemment, l'écologie, donc tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, tout ce qui est déforestation, pollution des eaux, etc. Après, tu as des bienfaits, évidemment, sur notre santé. Voilà, mm-hmm. Surconsommation de produits animaux va te favoriser des cancers. Tous les élevages voilà, modernes, c'est des incubateurs à virus, des problèmes de contamination comme salmonelle, E. coli, listeria, etc. Bon, après, nous, on est une asso de protection voilà, des animaux. On va mettre en avant quand même voilà, cette première chose-là qui est fait, enfin, qui est effectivement le premier bienfait d'une alimentation végétale. En fait, c'est clairement pour les animaux, quoi, qui restent les premières victimes, en tout cas les victimes directes de notre consommation de produits issus de leur exploitation. C'est pour les animaux, on peut dire que du coup, ça a aussi plein d'autres impacts. Bah, bien sûr, il y a mille et une raisons de végétaliser son alimentation. Ouais. Ok, donc du coup, peut-être pour finir, tu peux peut-être nous dire comment vous joindre, comment vous contacter, s'il y a des gens qui ont envie de vous rejoindre, etc. Comment ils peuvent faire ? Et les prochains rendez-vous aussi. Les prochains rendez-vous, c'est donc le 15 décembre, on en parlait tout à l'heure, avec le marché de Noël associatif là, sur la place du Palais de Justice, au niveau de l'arrêt de métro. On a aussi donc, cette action compteur humain annuel, donc le 22 décembre, en centre-ville. Après, pour nous contacter, c'est très simple. On a une page Facebook, un groupe Facebook, Rouen Éthique et Animaux. On a aussi le groupe de bénévoles L214 Rouen, sur lequel on peut faire effectivement des demandes de contact ou demandes d'ajout si on souhaite s'investir à nos côtés. Ok. Merci pour ça s'achève. Ouais, merci à vous. Beaucoup. On va mettre une petite chanson et puis on va faire une transition. Avant de discuter avec des collectifs de la Garenne en exil pour parler de la question des migrants, de leur accompagnement, de ce qu'on peut faire. On me dit Werewolf, go vegan, c'est parti. Yes, super, bravo. Merci à vous. We'll be right back. будущее планеты Земля, ее процветание, а быть может и упадок, и окончательное рабство и потребление всех ее ресурсов. Мы должны сберечь эти земли, сохранить их уникальность и неповторимость ради того, чтобы будущие поколения белых детей могли любоваться красотой пейзажей и картин. И выход! Yeah, go! Yeah, go! Yeah, go!